Les éditions de l'avenir présentent les aventures de l'Estrade, agent très spécial par Christian Martin. Il parcourt toute la galaxie en quête du scélérat. Il affronte les bandes de malfrats en roi du pugilat. Il déteste les congés payés. Ce qu'il aime, c'est l'action. C'est pourquoi il est rassuré quand il voit son patron. L'Estrade, agent spécial. Il jubile, il frémit de joie quand il voit son patron. Ramène toujours la rançon. Sixième épisode, opération récupération. Dans les précédents épisodes, l'Estrade, agent très spécial, est chargé de retrouver la fille du ministre des Finances de Trajan qui a été enlevée en plein astroport devant plusieurs témoins. Après moult aventures, il la retrouve enfin dans le manoir du comte Ratula, sanglée et nue. S'ensuit une folle poursuite et Les et Narchenaval se réfugient à bord d'un frêle skiff qui descend la rivière à grande vitesse. Les sbires du comte, dans leur voiturette, se tiennent à leur hauteur sur la route qui longe la rivière. Et comme si cela ne suffisait pas, nos héros viennent de s'apercevoir que leur embarcation prend sérieusement l'eau. Laisse, nous coulons. Quoi? L'eau entre. Crash. Un tir de nos poursuivants a dû atteindre notre esquif. Il faut écoper. Regardez. La ceinture portuaire. Nous y sommes presque. Impossible de garder l'embarcation à flot. Allez, à la flotte. Nous poursuivons à la nage. Je suis fourbu. Reposons-nous un moment. Nous nous mettrons ensuite en quête d'un taxi qui nous conduira à la première bouche de turbo venue. Nous pourrons alors regagner mon aviso. Et nous poursuivons ? Nous les avons apparemment distancés lorsque la rivière est entrée dans la ceinture portuaire. Tiens, tiens, qui avons-nous là? Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons de la compagnie. Ne regardez pas, mais là-bas dans l'ombre, on nous observe. Comment pouvez-vous le savoir avec tout ce monde? Je reconnaîtrai le chapeau mou de notre relooker n'importe où. Lui et ses petits copains m'ont offert une réception à la sortie d'un bar que je ne suis pas prêt d'oublier. Par ailleurs, je l'ai aussi aperçu chez le comte. Allez, venez, mêlons-nous au badaud et éloignons-nous de ce vilain moineau. Je dois trouver un moyen de semer chapeau mou. Ah, voici peut-être l'occasion. Pourquoi nous arrêtons-nous ici? Regardez le nom de ce commerce. Le bouillabaisse? C'est un mélange de bistrot, restaurant, bordel. Dans ce genre d'établissement, on trouve habituellement une entrée officielle et plusieurs sorties discrètes. Entrons. Bonjour, bonjour, jeunes gens. Comme vous êtes matinaux, que puis-je faire pour vous ? Vous voulez déjeuner ? En fait, nous ne faisons que passer. Là, dehors, un pas beau au chapeau mou nous harcèle de son attention déplacée. Pourriez-vous nous aider à nous éclipser discrètement ? Mais très certainement, cher ami. Pour une modeste somme, posez votre main ici. Venez, très cher, je vous guiderai personnellement. Les filles ont eu une dure nuit. Quelques mouvements des doigts sur les motifs muraux et un panneau coulisse pour donner accès à l'édifice voisin. Ingénieux. Merci. Tout le pâté de maison m'appartient. Sous différents noms, bien sûr. Mais, chut, discrétion. Discrétion. C'est encore loin ? Non, plus tellement. C'est encore loin ? Non, plus tellement. Nous y sommes. Pour un petit supplément, je vous donne accès à mon glisseur. Merci infiniment, ma chère. Vous nous avez retiré une vilaine épine du pied. Ce fut un plaisir, jeunes gens. Au revoir. Malgré les petites précautions prises auprès de Gus, plus nous approchons de l'aire d'atterrissage du coup de peau, et plus j'ai un mauvais pressentiment. Garçon, tout est prêt. Nous arrivons, Gus. crash. Le club des longs couteaux au grand complet nous attend sur le quai. Ça va barder. Quelle bonne surprise! Dis donc, mon vieux Samy, tu as une mine épouvantable. Tu as la migraine? Aurais-tu abusé des coups de paralysant? Chapeau-mou a probablement quitté son poste d'observation un peu après notre disparition dans le bouillabaisse. Je comprends mieux pourquoi il n'a pas insisté pour nous suivre. C'était inutile, ayant deviné que j'essaierais de regagner mon aviso. Bien joué, Etna. Gus, annonce le décollage à la tour et enregistre tout ce qui voyage par onde à partir de maintenant. Où étais-tu, garçon? Je t'expliquerai plus tard. Entendu. Ah, Gus a annoncé le départ prochain du coup de peau. Le cycle de fermeture du panneau thermique protégeant le turbo et ses installations souterraines s'est déclenché. Il faut y aller, Etna. Mais gardez ces affreux en joue. Le panneau thermique fermé, le club des longs couteaux est pris sous terre. À nous d'en profiter. Allez, venez. Il est plus que temps de mettre les bouts. Oh, garçon, te voilà enfin! Assoyez-vous là, Tna. Hé, hey, bougre d'iconoclaste! Qu'est-ce que c'est que ces manières? Je suis déjà dans ce siège! Tu oublies encore que tu n'es qu'un hologramme. Elle passe à travers toi, c'est tout. C'est tout? Décollage! J'en ai marre. Quand je t'ai demandé d'enregistrer toutes les communications au moment de notre départ précipité de Gueuse, je ne croyais pas qu'il y en aurait autant. Ça aurait été plus facile si, en plus de la voix, tu avais inclus l'image. Garçon, tu le sais bien, la vidéo holographique prend énormément d'espace mémoire. Je ne sais pas où j'aurais pu la mettre. C'est bon, passe-moi le message suivant. Qu'est-ce qu'on fait, patron? Gus, c'est lui! C'est lui! Le type au chapeau mou! Repasse ce bout d'enregistrement, tu veux? Qu'est-ce qu'on fait, patron? Strad s'est montré plus malin qu'un singe du pénal. Il est parti avec la fille et s'est arrangé pour clouer le sanguin au sol. Comment ça? Stop! Qu'est-ce qui se passe, garçon? C'est qui, ce type? Quel type? Celui qui a dit « Comment ça ?»« Comment veux-tu que je le sache? C'est toi qui as eu affaire à ces malfrats, pas moi !» Je m'attendais à entendre le comte. Mais cette voix n'a rien à voir avec celle du comte. Repasse-moi le « Comment ça ?»« Comment ça ?» Rien à voir avec la voix du comte. Qui donc peut être ce patron ? Allez, poursuis cet enregistrement, Gus. Il a lancé les autorités à l'astroport, à l'assaut du yacht, racontant qu'on y faisait le trafic du sang. Corston ! Stop ! T'as entendu ça, vieille fripouille ? Évidemment, garçon ! Et alors ? Corston est un juron typiquement trajanais, Gus. c'était le nom du frère du découvreur du système de Trajan. Et Coston a trahi son frère, je sais. Je suis aussi versé que toi dans l'histoire du monde où nous résidons, garçon. Mais je le répète, et alors? Alors? Alors? Ne comprends-tu pas que cela signifie que le patron de Chapeau Mou est de Trajan? Ouais. Remets en route. Débrouillez-vous, Rush. L'agent et la fille doivent disparaître. Vous m'entendez? Non. Crash, je croyais la petite dans mes quartiers. Mais elle était là et elle a entendu la dernière réplique du patron. De toute évidence, elle en a été bouleversée. Il vaudrait mieux t'assurer qu'elle va bien, garçon. Tu as sans doute raison. Allons, ne le prenez pas si mal. Vous savez bien que je ne les laisserai pas faire. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Celui qui a ordonné de nous éliminer. Oui, vous le connaissez? C'est mon amant. D'Avernis? Vous saviez? Vous avez été discret, mais nos services sont plutôt efficaces. Quand on vous a enlevé, nous avons fait une enquête approfondie. Vous comprenez, il fallait découvrir qui avait des raisons de vous vouloir du mal. Nous avons soupçonné d'Avernis jusqu'à ce que nous apprenions la maladie de Ratula. Mais, de toute évidence, Ratula n'était pas le cerveau de l'opération. D'Avernis a probablement voulu vous faire enlever pour faire pression sur votre père. Son enquête doit le déranger royalement. Jamais je ne laisserai un homme me démolir. Il va me payer ça. Possède-t-on les éléments nécessaires pour l'inculper? J'en doute. Que nous faudrait-il? Idéalement? Oui. Les aveux de Chapeau Mou. Allons les chercher. Vous êtes certaine? Tout à fait. D'accord. Gus! Demi-tour! Nous avons oublié quelque chose sur Gueuse! Malgré ton déguisement de Gueusois, je n'aime pas te laisser seul ici, garçon! Tu oublies que je ne serai pas seul. Tna m'accompagne. Ce n'est pas pour me rassurer! Nous y sommes? Nous y sommes. Venez. Aidez-moi à sortir le monoplace de la soute. Voilà qui est fait. Gus? Oui, garçon? Tu peux décoller. Je n'aime pas ça, garçon. Je pourrais rester ici. Personne ne songera à chercher le coup de peau dans ce désert. Nous en avons déjà discuté, Gus. Mais garçon! Pas question. Tu décolles et vas camoufler le coup de peau derrière le soleil de Gueuse. Je t'appelle si j'ai un pépin. Entendu, garçon. Et voilà, Gus est parti. Nous sommes isolés sur cette planète. Allez, aidez-moi. Il faut encore monter le monoplace pour gagner Urmani et trouver la trace de Chapeau Mou. Fna, c'est moi. Oui. Tu reviens très tôt. Nous sommes loin du moment où je dois te relever devant le manoir du comte. Ce ne sera plus nécessaire, ma chère. Tu as du nouveau ? Oui. Après deux longues journées, Chapeau Mou s'est enfin présenté chez le comte. Il en est ressorti après une heure et demie et, mine de rien, je l'ai suivi jusqu'à son terrier, un bouge de la ceinture portuaire. Je sais désormais où retrouver Chapeau Mou. Nous allons pouvoir entamer la phase 2 de l'opération récupération. Allez, on plie bagage. Tu es certain de n'avoir rien oublié ? Certain, c'est juste la quatrième fois que tu me le demandes. Je n'y peux rien, j'ai un mauvais pressentiment. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Je sais où loge le chef du gang des longs couteaux. Nous n'aurons pas de mal à le trouver. Ce n'est pas cette partie-là de ton plan qui m'inquiète, tu sais. C'est après. Qu'arrivera-t-il après ? Tu es sérieuse, là ? Nous en avons pourtant discuté. Après, une navette nous attend à l'astroport. On y embarquera Chapeau Mou et nous rejoindrons le coup de peau dans l'espace, tout simplement. Tu as Vertigus ? Évidemment. Tu es sûr qu'il nous attendra aux bonnes coordonnées ? Sûr ! Cesse de t'inquiéter, tout ira bien. Nous sommes tous les deux armés et j'ai l'hyposeringue dans ma poche. Avec ce qu'elle contient, notre bonhomme ne nous fera aucune misère. Nous y sommes. C'est là que demeure Chapeau Mou ? C'est là. L'immeuble semble plutôt délabré. C'est une ruine. Tu as raison, c'est une ruine. La porte a failli te rester dans les mains. Cela dit, malgré tout ce boucan, j'espère qu'il dort. Dans un quartier pareil, le bruit ne doit plus le déranger. Tigre de Ganleb. C'est le petit protecteur de la concierge qui habite cet appartement. C'est le seul appartement de l'immeuble d'ailleurs. Les 9 locataires doivent se contenter de simples chambres. Au premier, il y a Chapeau Mou, une ancienne chanteuse de cabaret défraîchie, et un manchot qui se brûle la cervelle à la briséine. Tout le deuxième a été loué par un proxénète et ses employés. Juste un rat. Méchant rat. C'est là. Où en es-tu ? La viso s'est volatilisée, patron. Tu calmes, Tna. Impossible de le retrouver, patron. Personne ne l'a vu depuis son décollage de Gueuse. Incapable ! Retrouve-le, vite ! Sinon... Hey ! Petite garce ! Oh, elle mériterait une bonne fessée pour m'avoir ainsi écrabouillé les orteils. Crash ! Elle a mis Chapeau Mou KO. Malheureusement, elle ne sait pas quand il faut s'arrêter de cogner. Elle va trop me l'abîmer. Tna ! Tna ! Ça suffit ! Il est par terre, il ne bouge plus. Il ne nous sera plus d'aucune utilité si tu le tues. Il est toujours en vie, apparemment. Il aura une tête d'aubergine pendant quelque temps, mais il ne s'en portera pas plus mal. Assurons-nous maintenant qu'il ne se réveillera pas à un moment délicat. Avec ça, il devrait roupiller jusqu'à ce que nous ayons regagné le coup de peau. Aide-moi. Passe son bras autour de tes épaules. Je ferai de même de mon côté. Prête ? Prête. Alors, allons-y. Oh, yes ! Très bien. Il est debout. Il ne nous reste plus qu'à le transporter jusqu'au glisseur. D'accord, mais hâtons-nous. Il n'en a pas l'air, mais il pèse le truand. Tu peux refermer la porte de sa chambre derrière toi ? Et puis quoi encore ? Oh oh, v'là du monde ! Regagnons la chambre, vite ! Tu es là, patron ? Les éditions de l'avenir vous ont présenté le 6e épisode de l'Estrade, agent très spécial par Christian Martin, opération récupération, avec Christophe dans le rôle de l'Estrade, Kael dans le rôle de Gus, Florence dans le rôle de Narche Laval, Stanley dans le rôle de Chapeau Mou, Quentin Fauville dans le rôle de Davernis, Gabriel Jean dans le rôle de Samisso et Raphaël dans le rôle de Madame. Dans le prochain épisode, Les et Narchala parviendront-ils à quitter la chambre de Chapeau Mou avec leur fardeau? Ne manquez pas nos précédentes productions et celles en cours. Visitez l'avenir-audio.canalblog.com. L'histoire et les personnages appartiennent à leur auteur et sont protégés par copyright. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2010 des éditions de l'avenir. Votre présentateur, Christian Martin. Merci de votre attention. À bientôt.